la beauté de la musique liturgique orthodoxe, la sagesse des saints-pères de l'Église, l'art de la prière incessante, l'actualité de la sainte tradition chrétienne. Venez les retrouver dans l'Église orthodoxe aujourd'hui, chaque dimanche à 17h. Une émission réalisée sous la bénédiction de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et proposée par Bogdan Florent Vlaïkou. Chers auditeurs et bienvenue dans le studio de Radio Notre-Dame pour une émission en direct. Aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes célèbrent la fête de tous les saints et les chrétiens catholiques célèbrent la Sainte Trinité. Donc je vous dis à tous bonne fête pour ce dimanche. On va faire une émission festive avec nos invités d'aujourd'hui, le père Alexandre Siniakov. Et le frère Saulus Rumchas. Donc, père Alexandre Siniakov, bonjour et bonne fête. Bonjour. Voilà, vous êtes membre du diocèse du Patriarcat de Moscou en France, en Europe occidentale. Vous êtes aussi responsable auprès du bureau du Patriarcat de Moscou auprès des institutions européennes à Bruxelles et aussi le directeur du centre du collège Saint-Basile auprès du centre Istina à Paris. Frère Saulus Rumchas, bonjour et bonne fête à vous aussi. Bonjour, merci. Vous êtes directeur adjoint du centre Istina à Paris qui est un des plus anciens centres œcuméniques, n'est-ce pas? Tout à fait. Qui va fêter 80 ans cette année. Voilà, c'est une bonne occasion de parler aussi de ce sujet-là aujourd'hui. Donc, voilà, plusieurs sujets d'actualité nous rassemblent aujourd'hui. On va parler de l'événement qui a eu lieu à Moscou le jeudi de l'Ascension, le 17 mai, la signature de l'acte de communion canonique entre le patriarcat de Moscou et l'Église juive aux frontières. On va voir les implications de cet événement pour l'Église russe, pour la Russie aussi, mais surtout aussi pour l'Église orthodoxe universelle, et aussi d'un point de vue œcuménique. D'ailleurs, on va discuter aujourd'hui sur le stade du dialogue œcuménique bilatéral entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique. Je sais, Père Alexandre, que vous avez suivi de très près ce dialogue parce que vous accompagnez souvent Mgr Ilarion Alfeyev, qui est le représentant du patriarcat de Moscou dans la commission bilatérale de dialogue. Bien sûr, on va parler aussi du Centre Istina et du Collège Saint-Basile, qui sont des initiatives œcuméniques très intéressantes. Voilà, pour commencer, je vous rappelle, chers auditeurs, que à l'occasion du jeudi de l'Ascension, le 17 mai, à Moscou, dans la cathédrale du Saint-Sauveur, a eu lieu un événement historique très important, on peut dire même un miracle, parce qu'après 90 ans de séparation, de schisme, l'Église russe aux frontières et le patriarcat de Moscou ont signé un acte de communion canonique qui permet justement que la communion eucharistique est de nouveau possible entre les deux églises. Et c'était un événement d'une grande importance pour toute l'orthodoxie. Père Alexandre, vous étiez en Russie en ce moment. Parlez-nous s'il vous plaît un peu de l'importance de cet événement et de ce que vous avez ressenti sur l'impact de cet événement sur la société russe. Eh bien, comme vous avez dit, c'est un événement tout à fait historique, non seulement pour l'Église orthodoxe russe, pour la société russe, mais aussi pour l'Église orthodoxe universelle et pour le christianisme universel en tant que tel. En effet, c'est un des rares schismes de nos temps et qui a été finalement résolu. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire aujourd'hui dans le monde chrétien, parce qu'on a toujours eu beaucoup plus de facilité à créer des divisions et à créer des schismes plutôt que de réparer la désunion et de restaurer l'unité des fidèles. J'étais en effet en Russie à ce moment-là, mais j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir pu être à Moscou, à la cathédrale même du Christ Sauveur, pour la signature de l'acte de communion. J'accompagnais ce jour-là l'archevêque Maurice Gardès de la Conférence des évêques de France, responsable de l'œcuménisme, en voyage officiel en Russie à Saint-Pétersbourg, où il avait un programme de rencontre avec la métropole orthodoxe locale. Mais même dans les rues en Russie, ce jour-là, pour la fête de l'Ascension et les autres jours qui l'ont suivi, pendant lesquels j'ai été en Russie également, on entendait même dans le métro, dans le bus et dans la rue tout simplement, les passants, les sujets les plus importants de conversation entre des gens vraiment très différents, des orthodoxes, des non-orthodoxes, des croyants, des non-croyants, était effectivement cet événement-là. Et je crois que ce qui est tout à fait sûr, c'est qu'au moins dans la société russe, l'impression qu'a laissé cette signature a été unanimement positive. En effet, on ne peut que se réjouir que deux parties de l'orthodoxie russe traditionnelle, le patriarcat de Moscou, qui est resté en Russie et sur l'espace de l'ex-Union soviétique, et l'autre partie de l'orthodoxie russe, qui est l'Église russe aux frontières, qui, elle, est plutôt présente dans d'autres pays, en particulier en Europe occidentale, aux États-Unis, en Amérique, en Australie, qu'enfin ces deux parties de l'orthodoxie russe se soient retrouvées après 80 ans de séparation depuis 1927, l'année où le synode des évêques orthodoxes russes, qui s'était, à cause de la révolution, retrouvé dans la diaspora, où ce synode qui avait pris la décision de rompre la communion avec le remplaçant du locum tenens du siège patriarcal de l'époque, le métropolite Serge, et bien depuis cette date-là, ce synode, nous avons enfin pu, les fidèles des deux églises, prendre part à la même Eucharistie et partager de nouveau le même pain et le même vin, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors même si pour ceux qui n'étaient pas croyants, cet aspect-là était moins important, Il était évident pour tout le monde que par cette signature de l'acte de communion, c'est la guerre civile russe qui en quelque sorte prenait enfin et de façon décisive fin, et qu'on réparait les dernières séquelles de cette terrible opposition et qui a mis divisé le peuple russe en Russie et à l'étranger pendant des dizaines d'années. Merci Père Alexandre. Donc, on va revenir sur l'histoire de cette réunion. Comme je disais au début de l'émission, aujourd'hui c'est une fête pour les catholiques comme pour les orthodoxes. Il se trouve que les orthodoxes célèbrent aujourd'hui le dimanche de tous les saints. Les catholiques, depuis le 9e siècle, ont changé cette fête qui était aussi célébrée le premier dimanche après la Pentecôte. À partir de 844, le temps du pape Grégoire IV, la fête a été changée, comme on le sait, pour le 1er novembre, la Toussaint. Mais elle a été d'une certaine façon remplacée par la fête de la Sainte Trinité, que nous avons d'ailleurs orthodoxe célébrée lundi dernier, le lundi de la Pentecôte. Donc je vous propose, comme on a déjà la tradition depuis quelques émissions, on a l'habitude de faire l'émission en direct pour les fêtes. Donc c'est une occasion aussi de célébrer par une petite verre de vin cette fête qui nous est commune aujourd'hui, même si nous célébrons autre chose. Saulus, vous êtes originaire de la Lituanie, donc c'est un pays ex-soviétique, mais qui maintenant se trouve dans la communauté européenne. Je pense que vous avez aussi suivi ce processus qui a eu lieu en Russie le jeudi de l'Ascension. Qu'est-ce que vous pensez personnellement et comment a-t-il ressenti peut-être dans votre pays aussi ? Cet événement très important pour la Russie, mais pas seulement, pour l'orthodoxie tout entière, je peux dire peut-être même pour tous les chrétiens. Oui, effectivement, c'est comme ça a été déjà souligné à plusieurs reprises, c'est un moment important, historique, un moment miraculeux. Et évidemment, c'est un événement qui concerne l'orthodoxie russe en particulier, l'église orthodoxe, mais en tant que catholique, on ne peut pas être indifférent au rétablissement de l'unité de communion entre deux églises. Et je ne saurais pas vous dire exactement comment cet événement a été ressenti dans le pays comme la Lituanie, qui est, comme vous avez dit, l'ex-pays soviétique. Juste pour information, la Lituanie est majoritairement catholique, jusqu'à 80% baptisés catholiques. Toutefois, il y a une église, un diocèse orthodoxe du patriarcat de Moscou, dans le pays, l'orthodoxie représente à peu près autour de 5% de population, et ce sont essentiellement les gens issus de l'immigration russe. Donc, ce que je voudrais dire au sujet de cet événement en particulier, c'est que j'ai connu l'orthodoxie curieusement en France et pas tellement en Lituanie. Et une des premières choses qui m'avait le plus étonné, c'était justement l'existence de différentes églises orthodoxes d'origine russe, justement. Et c'est à cet instant-là à ce moment-là que je commençais à m'intéresser un tout petit peu à l'histoire, que s'est-il passé justement qu'on a actuellement ce scandale, pourrait-on dire, qui est la division des églises, non pas la division entre les catholiques orthodoxes, mais aussi au sein de l'orthodoxie. Voilà. Merci. Donc voilà, on a l'occasion de trinquer encore une fois. Bonne fête. Merci. Chers auditeurs, on peut pas vous inviter à trinquer avec nous pour le moment, dans ce stade de la technique. Mais nous vous invitons à participer à notre entretien à travers le téléphone. Donc, j'invite tous ceux qui veulent participer à notre entretien festif à nous joindre au numéro de téléphone habituel 01 56 56 44 45. Je répète, 01 56 56 44 45. Véronica Colosimo va répondre à vos appels. Donc, revenons dans l'actualité. Dimanche dernier, fête de la Pentecôte, a eu lieu, disons, un premier écho de cette union signée à Moscou le 17 mai en Europe. C'est en Allemagne que le métropolite Marc de l'Église russe aux frontières a concélébré pour la première fois avec son homologue évêque, archevêque du patriarcat de Moscou en Allemagne. Donc voilà, une première concélébration a eu lieu en Europe entre les deux églises. Quand est-ce que c'est prévu aussi pour la France, un tel événement? Alors, en France, l'Église russe aux frontières a été historiquement présente, surtout dans le sud, en particulier dans la très belle église russe de Pau. Et c'est dans cette église-là que notre diocèse du patriarcat de Moscou en France a prévu d'organiser ensemble, avec l'accord de nos frères de l'Église aux frontières, une célébration commune, la première célébration eucharistique. Alors la date n'est pas encore fixée, mais elle le sera sans doute prochainement. Et par ailleurs, des rencontres entre nos deux diocèses ont commencé déjà depuis un certain temps. En particulier, nous avons eu l'honneur et la joie d'avoir à la fête patronale de notre église cathédrale à Paris, de la rue Pétel, dans le 15e arrondissement, pour la fête des trois hiérarques, des trois saints docteurs, au mois de février dernier, la présence de l'évêque Michel de Genève et d'Europe occidentale, qui est l'ordinaire du diocèse en Europe occidentale de l'église russe aux frontières, et qui est aussi l'ordinaire des paroisses de l'église aux frontières, ici en France. Je veux rappeler aussi que votre archevêque, Monseigneur Innocent, donc il est le président de la commission mixte de dialogue entre le matériel de Moscou et l'Église aux frontières, et l'autre coprésident, c'est sûrement Monseigneur Marc, archevêque en Allemagne, dont on a parlé. Tout à fait. Donc, en la personne de l'archevêque Innocent, notre évêque ici, coprésident de cette commission de dialogue, c'est en quelque sorte tous nos fidèles du patriarcat de Moscou en Europe occidentale, de tous les pays sur lesquels s'étendent dans lesquels existent les communautés de notre diocèse de Chersonèse. Par son intermédiaire, c'est chacun de nos fidèles qui a participé à ce processus de dialogue. Et de même, il y a eu des rencontres très importantes entre l'archevêque Marc, qui représentait l'Église aux frontières dans la commission de dialogue, et qui a beaucoup contribué à éclaircir les questions, à faire avancer cette cause. Il y a eu beaucoup de rencontres importantes ici à Paris, entre lui, l'archevêque Innocent, le métropolite Cyril de Smolensk, responsable de relations extérieures. Donc notre diocèse a été, dès le début du processus de réunification, très impliqué dans cette œuvre d'unité. Voilà, je vous propose, chers auditeurs, à écouter un premier chant liturgique de l'Église orthodoxe interprété en slavon à la manière russe par la chorale Saint-Jean Damascène de Paris. Voilà, chers auditeurs, on est en direct dans le studio avec le père Alexandre Signakov et avec le frère Saulus Rumchas. Donc, on parlait de cet événement qui a lieu à Moscou le jeudi de l'Ascension, 17 mai. Et on a un premier appel, un auditeur qui veut entrer en dialogue avec nous. Bonjour. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, Paul Gonenski, l'appareil. Ah, bonjour Paul, voilà, c'est une belle surprise, c'est un ami de longue date de l'émission. Oui, Paul, on vous écoute. Oui, alors je voudrais d'une part apporter un témoignage et ensuite poser une question. Oui. Je dirais que je le fais en connaissance de cause puisque non seulement je suis né orthodoxe, mais mon père était archiprêtre de l'église orthodoxe pendant 50 ans. J'ai eu la joie et le plaisir d'être un invité d'honneur de la cérémonie qui a eu lieu à Moscou le 17 mai dernier. Paul, excusez-moi, on vous attend mal. Si vous pouvez baisser le niveau de radio, si vous avez un radio à côté. Non, j'en ai pas de radio, justement. Ou, je sais pas, il y a un problème, on n'entend pas très bien. Donc, je vais rappeler seulement, parce qu'il se trouve que je vous connais, qu'il y a une ressemblance entre votre vie et l'Église Russe aux Frontières, parce que vous êtes né en Yougoslavie. Donc, c'est en Yougoslavie que l'Église Russe aux Frontières est née en 1920. Et par la suite, comme l'Église Russe aux Frontières, vous aussi et votre famille, au moment quand le communisme a commencé à souffler aussi sur l'Yougoslavie et le gel communiste s'est répandu sur toute l'Europe de l'Est, vous avez dû aussi partir à l'Ouest et vous installer avec votre famille en France. Donc je sais que vous avez toujours été très lié des prêtres, des évêques de cette Église, même si vous n'avez pas jamais vraiment fait partie de cette Église. Et maintenant, je pense que c'est un moment vraiment très fort pour vous d'être là à Moscou au moment de la réconciliation et de l'union entre l'Église Russe aux Frontières et le patriarcat de Moscou. Mais tout à fait, Bogdan, je remercie de l'avoir résumé. Je disais en plus que donc, je ne sais pas si vous avez entendu que mon père a pendant 50 ans était un membre actif de l'Église orthodoxe, que ce soit aux frontières, que ce soit de la rue d'Aru, mais en tout cas de l'Église orthodoxe. Donc je témoigne en connaissance de cause. Donc je disais que j'ai été très ému d'être un des invités de la cérémonie et des événements du 17 mai, qui sont pour moi un moment d'une portée historique qui dépasse largement ce qui a été d'ailleurs dit et pas dit, surtout en Occident et même en Russie. Je pense que quelque part, peut-être par ignorance des médias, ça n'a pas été couvert de la manière dont ça aurait pu l'être, même si en Russie on en parlait quand même beaucoup à la télévision. Mais justement, Paul, parce que parmi nous trois qui sommes ici dans le studio, aucun d'entre nous n'a pas été vraiment à l'intérieur de la cathédrale au moment de la signature. Vous l'étiez. Dites-moi quelques impressions. Qu'est-ce que vous a le plus impressionné en ce moment historique extraordinaire que vous avez vécu à Moscou? Bon, effectivement, j'étais à l'intérieur, j'étais parmi les peut-être 200 invités dans le carré des invités, et pas loin du président Poutine, je dirais, en plus. Ce qui m'a beaucoup ému, c'est le nombre d'évêques, d'archevêques, de métropolites et de prêtres qui étaient finalement au milieu de l'Église et de cette cérémonie effectivement orthodoxe. D'une part, j'ai été sensible au discours du président Poutine, que j'ai trouvé d'un calme et d'une perspective historique qui m'a même étonné quelque part. Donc il y a cette cohésion de la Russie, de l'Église orthodoxe. Et puis j'ai été parfaitement de plus en plus ému en voyant pendant la cérémonie plusieurs fois le métropolite Lavre de New York et le patriarche co-célébrer ensemble et également Monseigneur Innocenti Innocent donc de Paris, plus nombre d'autres évêques. Mais je dirais encore une fois, je pense que ça n'a pas été couvert d'une manière aussi historique que ça aurait pu l'être. Ma question, parce qu'il en faut une, c'est que va-t-on faire, et ce n'est pas une question, disons, négative, que va-t-on faire aussi bien des paroisses, voire des évêchés orthodoxes, mais dissidents, entre guillemets, qui se trouvent sur les territoires de la Russie, mais qui ont déjà refusé, fut un temps, d'être sous le patriarcat de Moscou, et qui ont demandé la mafor, donc la couverture de la métropole, de hors frontières. Et que va-t-on faire inversement des paroisses et des personnes, semble-t-il qu'il y a 20% des personnes qui refusent ce mouvement historique, donc de ces paroisses, de ces personnes qui se trouvent dans les pays hors frontières. Je le demande pas de manière vicieuse, mais c'est quand même un sujet important. Merci beaucoup, Paul, pour votre témoignage et pour votre question. Le père Alexandre Siniakov va essayer de vous répondre. Merci pour votre question. Effectivement, c'est une question qui nous inquiète tous. Et je crois qu'à proprement parler, il n'y a rien à faire puisque on ne peut pas obliger les fidèles d'une église de faire partie d'une autre. Donc il y a effectivement un certain nombre de fidèles de l'église aux frontières qui étaient jusqu'à présent sous le mot fort du métropolite Lord, en tout cas du synode présidé par lui, et qui n'ont pas accepter positivement le rétablissement de l'unité et de la communion entre l'Église aux frontières et le patriarcat de Moscou. Et il y a quelques paroisses un évêque en Russie qui refuse la signature de l'acte de communion. Les divisions au sein de l'Église aux frontières, hélas, ne sont pas nouvelles et ne datent pas d'aujourd'hui. Les tensions ont commencé à surgir dans cette église depuis déjà plusieurs années, avec surtout, vous souvenez, les événements qui ont été liés à la démission du primat précédent de cette église, le métropolite Vitali, qui est mort et qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Donc sa démission a été suivie, et surtout son retour à l'activité ecclésiale a été suivi de quelques troubles dans l'église aux frontières. Donc il y a des dissidences au sein de l'orthodoxie russe aux frontières depuis quelque temps, et beaucoup, c'est certaines de ces communautés et de ces fidèles les ont déjà rejoints en voyant s'avancer rapidement le processus de réunification entre les deux églises. Alors de notre côté, sans doute ce qu'il y aurait de plus précieux à faire, c'est d'une part de ne pas critiquer ces personnes, parce que la critique, le jugement n'ont jamais été très positifs dans l'Église, mais d'essayer de prier pour eux, de comprendre aussi leur avis, de comprendre, d'écouter les reproches qu'ils font au patriarcat de Moscou, et d'essayer d'entrer dans les raisons qu'ils avancent pour ne pas adhérer à cette union signée naguère à Moscou, et de là chercher avec le secours et l'aide de l'Esprit Saint les moyens de résoudre ces difficultés pour que la plus grande partie du peuple de Dieu puisse profiter de l'unité qui lui est offerte, mais sans évidemment non plus être trop, comment dire, avoir trop d'espoir. Il n'y aura jamais l'unanimité à 100% dans l'Église, et ça, vous savez, l'histoire du christianisme, de l'Église a toujours été une histoire assez turbulente, avec des dissidences, de ceux qui n'étaient pas d'accord. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas tout à fait nouveau dans l'histoire du christianisme. Je ne sais pas si j'ai répondu pleinement à votre question, mais en tout cas, c'est une question extrêmement importante, et les années qui vont venir vont montrer aussi à quel point ce désaccord d'une petite partie des fidèles de l'Église aux frontières a été importante. Quel sera leur comportement dans les années à venir? Je pense qu'aujourd'hui, il est un peu trop tôt pour estimer véritablement le degré de réception de cet acte de la signature de l'acte de communion. Comme vous disiez, Père Alexandre, vous accompagniez à l'occasion de la signature de cet acte canonique, de l'union canonique à Moscou, un évêque catholique et représentant, n'est-ce pas, pour le dialogue œcuménique de la part de l'Église catholique de France, et aussi le directeur de Centre Istina, le Père Hyacinthe d'Estivelle, qui ont été reçus par le patriarche de Moscou. Quelle était la signification de cette rencontre? Oui, nous avons eu la joie avec le Père Hyacinthe d'Estivelle, dominicain, directeur du Centre Estina, d'accompagner en Russie pendant quelques jours l'archevêque Maurice Gardès, qui est responsable pour le dialogue avec les autres chrétiens et aussi les juifs pour la conférence des évêques catholiques de France. Il est archevêque d'Auch, un diocèse au sud de la France. Et c'était des moments extrêmement importants et significatifs. En effet, Monseigneur Gardès a été reçu par le patriarche Alexis pour un long entretien où ils ont abordé surtout des questions de la perspective de collaboration entre les catholiques et les orthodoxes, en particulier dans le domaine du témoignage commun en Europe, de la position commune sur les questions sociales, éthiques, mais aussi sur l'avenir du dialogue théologique lui-même. Nous avons aussi l'archevêque Gardès et le Père Hyacinthe d'Estivelle ont été reçus également par le métropolite Cyril de Smolensk de Kaliningrad, qui préside le département de relations extérieures du patriarcat de Moscou, où là aussi c'était une rencontre extrêmement fructueuse et je pense très importante pour l'avenir du dialogue entre l'église de Russie, l'église locale de Russie, l'église catholique qui est en France, et plus généralement entre l'orthodoxie et l'Église catholique. Frère Saulus, vous êtes directeur adjoint du centre œcuménique Istina, qui a été fondé par les dominicains il y a longtemps maintenant. Vous êtes donc ça, on peut dire que ça date, n'est-ce pas, des années 20. Et depuis le début de ce centre, il y a eu une préoccupation de la part des fondateurs pour accueillir justement ces orthodoxes qui ont été forcés à quitter leur pays d'origine, surtout à cause du communisme. Et n'est-ce pas, à les accueillir ici sur la terre de France. Oui, en effet, le centre Istina a commencé d'abord comme le séminaire Saint-Basile, qui était fondé à la demande du pape Pie XI, demande adressée aux dominicains, en 1923. 23, et donc c'est à Lille, au nord de la France, que ce séminaire est né. Bien sûr, à l'époque, il faut comprendre un peu la situation. Comme vous avez dit, il y a la révolution bolchevique n'était pas très loin. Vous vous souvenez aussi du fameux navire philosophique de 1922 où une grande partie de l'intelligentsia russe a été mis en dehors de l'époque de l'Empire soviétique. Et donc en effet c'était dans la perspective d'accueillir les personnes venant de ce grand pays qu'a été fondé ce séminaire. Mais il faut dire en même temps que l'œcuménisme, à l'époque, était compris plutôt comme le retour des brebis perdues. et donc, c'était justement un séminaire, ce qu'on dirait aujourd'hui, gréco-catholique. Mais cela témoigne, c'est une chose importante à souligner parce que tout de suite, les dominicains s'aperçoivent que l'œcuménisme de ce type-là, il est difficile à maintenir. Il est difficile. Et justement, le séminaire cesse assez vite ses activités, mais le centre, justement, quelques années plus tard, autour de 25, 26, 27, le centre Istina est fondé. Et l'objectif principal de ce centre, c'était tout simplement la connaissance de la chrétienté orthodoxe slave et russe en particulier, la connaissance de toutes ces richesses, à la fois richesses religieuses, philosophiques, théologiques, culturelles, et c'est dans ce sillage-là que naît, dans les années 1934, une revue qui s'intitulait Russie et chrétienté, qui est l'ancêtre de la revue Istina, maintenant toujours vivante. Et la revue Istina est née suite à cette revue Russie et chrétienté en 1954. Et c'est le moment aussi, après la guerre surtout, où la situation est complètement différente, complètement bouleversée, tant du point de vue historique que du point de vue religieux. Et les frères dominicains du centre Istina, qui entre-temps étaient transférés à Paris et ensuite à Boulogne-sur-Seine, avant de s'installer en 65 rue de la Glacière, dans le 13e. Il se trouve aujourd'hui, tout à fait. La compréhension même de l'œcuménisme se modifie, c'est-à-dire que on ne va pas s'intéresser à la chrétienté orthodoxe slave russe pour essayer de convertir les orthodoxes. Ben, ils sont bien chrétiens, mais on s'intéresse en reconnaissant la valeur de cette Église et l'apostolicité, et que cette Église peut être intéressante pour elle-même, pour ce qu'elle a, pour ce qu'elle témoigne, ce qu'elle témoigne du Christ à travers sa longue spiritualité. Et surtout, un autre élément qui a joué à la modification du centre d'Istina, c'est que le problème œcuménique ne peut pas être uniquement le résultat d'une étude de l'étude d'une église dans le vaste monde chrétien, mais aussi elle doit s'élargir à d'autres réalités chrétiennes, d'où l'ouverture d'Istina, de la revue d'Istina, donc qui a commencé qui a changé son modèle, son style en 54, d'où le souci de d'élargir son champ d'intérêt non seulement aux orthodoxes mais aussi aux protestants et ensuite au judaïsme. Merci, Frère Saulus. Père Alexandre, vous avez célébré dimanche de Pentecôte la divine liturgie à l'abbaye de Sylvanès, où il y a une église russe. Et à la veille, il y a eu avant de célébrer des vêpres orthodoxes dans l'abbaye même, il y a eu une rencontre sur le dialogue œcuménique entre orthodoxes et catholiques. Vous pouvez nous dire quelques mots sur la conclusion de cette rencontre? Alors, c'était davantage une rencontre d'information qu'un colloque qui devait avoir de l'influence sur le développement de ce dialogue, parce que, en effet, c'était le Père Hyacinthe, le Frère Solius et votre humble serviteur qui avons fait les conférences en présentant les difficultés d'une part, mais aussi l'avenir et les perspectives du dialogue entre les deux églises. Il est tout à fait évident qu'aujourd'hui nous entrons dans une période toute nouvelle des rapports entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, le dialogue théologique s'avérant pas toujours tout à fait facile, et il est indispensable de le compléter comme le souligne très souvent le métropolite Cyril de Smolensk ou l'évêque Hilarion ou notre archevêque Innocent ici à Paris, il est indispensable d'élargir d'ores et déjà les contacts entre catholiques et orthodoxes, non seulement au dialogue théologique, mais aussi à un travail sur le terrain commun et un témoignage commun, en particulier ici en Europe. C'est d'ailleurs le travail que nous accomplissons à la représentation de l'Église russe à Bruxelles, ensemble avec les autres représentations orthodoxes et avec la représentation du Saint-Siège. L'objectif aujourd'hui, entre catholiques et orthodoxes, c'est de pouvoir, malgré les différences théologiques, malgré les obstacles qui nous empêchent d'être en communion eucharistique les uns avec les autres, de pouvoir, dans les domaines dans lesquels nous partageons déjà les mêmes opinions, de pouvoir dans ce domaine-là témoigner de la grande tradition chrétienne, de la tradition de l'Église du premier millénaire, à l'époque où nous étions encore l'Église, une chrétienté unique, de pouvoir ensemble promouvoir cette richesse de l'Église apostolique et de l'Église antique et de l'Église de la grande tradition ecclésiale. Père Alexandre, l'année dernière, au mois de mars, vous avez publié dans le quotidien La Libre Belgique un article qui s'intitulait « Un hiver œcuménique », qui était très pessimiste à première vue concernant l'œcuménisme. Depuis, des événements se sont passés. Est-ce que vous avez changé d'avis? Je pense que oui. Alors, c'est pas que j'étais pessimiste sur l'avenir de ce dialogue, mais j'étais pessimiste sur la réalité actuelle du travail entre catholiques et orthodoxes, et cela concernait en particulier deux domaines. D'une part, je pense que ce qui à l'époque ce qui me rendait pessimiste, c'est un peu la longue pause que la commission mixte catholique orthodoxe pour le dialogue théologique international a fait pendant depuis l'an 2000, et cette pause ne s'est terminée qu'il y a quelques mois seulement, au mois d'octobre dernier à Belgrade, où la commission s'est de nouveau réunie. Il y a d'abord la difficulté du dialogue théologique, et d'un autre côté, il y a aussi un climat de suspicion qui règne entre les catholiques et les orthodoxes, et plus spécialement le climat de suspicion, c'est triste de le dire, mais qui règne dans le monde catholique à l'égard de l'Église orthodoxe russe, pour différentes raisons. À l'époque, j'ai parlé de cet hiver œcuménique. D'ailleurs, le titre n'était pas de moi, mais du journal La Libre Belgique, du quotidien lui-même. Mais il traduisait bien ce que je voulais traduire dans ce que je voulais exprimer dans l'article. Donc, qu'est-ce que a bougé depuis? Oui. Alors, depuis, ce qui a bougé, c'est que la Commission internationale catholique orthodoxe pour le dialogue théologique a repris son travail. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, il y a eu plusieurs rencontres depuis entre les orthodoxes et les catholiques qui ont ouvert de nouvelles perspectives, et je pense en particulier à la rencontre organisée à l'initiative du Conseil pontifical pour la culture et le patriarcat de Moscou à Vienne, avec le soutien de l'organisation Pro Oriente autrichienne, qui a eu lieu à Vienne au mois de mai de l'année dernière, donc à peu près il y a un peu plus d'un an, et qui a été la première, en quelque sorte, initiative visant à ce que les deux églises, l'église orthodoxe et l'église catholique, ou plutôt toutes les églises orthodoxes et l'église catholique, commencent à travailler et à témoigner d'ores et déjà, ensemble, d'une seule voix, dans des domaines qui nous sont déjà communs. L'éthique, la doctrine sociale, la place du christianisme dans la société, la place de la tradition dans la vie de l'Église, l'apostolicité, notre attachement à l'héritage des pères, voilà tous les domaines dans lesquels nous pouvons commencer à parler ensemble. Et d'ailleurs, dans ce sens, depuis cette rencontre, plusieurs initiatives ont été prises. Déjà, tous les participants catholiques orthodoxes de cette rencontre de Vienne ont pris la décision de se réunir régulièrement pour parler ensemble des questions d'actualité qui sont posées à l'ensemble du monde chrétien. Et plusieurs documents sont en cours d'élaboration pour exprimer justement la position commune dans toutes les questions où cette position existe déjà. Voilà. Donc, je rappelle que ce qui empêchait, en effet, cette commission de se réunir pendant de plus d'une dizaine d'années, c'était le problème de l'uniatisme. Maintenant, disons, un pas en avant a été fait et ils commencent à toucher à des problèmes essentiels concernant les différences entre les catholiques et les orthodoxes, notamment le problème de la primauté dans l'Église. Et en plus de cette commission mixte qui est à quelques dizaines de membres, je pense une soixantaine de membres, qui se réunit de temps en temps, il y a une commission de rédaction qui se réunit plus souvent, formée de 6 personnes, et les 6 orthodoxes qui font partie, c'est Monseigneur Callisto Swear, de la part du patriarcat œcuménique, l'évêque anglais, le métropolite anglais d'Oxford, donc Monseigneur Hilarion Alfer, de la part du patriarcat de Moscou, et le diacre Ioan Ica de Cluj, de Roumanie, de la part du patriarcat de Roumanie. Et justement, il y a eu un problème en débat qui a fait que cette petite commission a dû se réunir plusieurs fois, même récemment, n'est-ce pas, pour mettre au point un texte, pour que tout le monde puisse être d'accord, et que en automne, je pense au mois d'octobre, à la réunion prochaine, déjà, ça peut faire avancer les choses. Tout à fait. La dernière réunion qui a été extrêmement, qui a attiré beaucoup d'attention de la part des théologiens et des fidèles dans les deux églises, et du côté orthodoxe et du côté catholique, à cause des difficultés survenues dans le travail de cette commission en l'an 2000, qui était suscitée par la question de l'uniatisme, il y a eu une nouvelle difficulté qui a surgi. Cette fois-ci, la commission qui a repris son travail n'a pas cherché à prendre des questions secondaires où un consensus serait facile à établir, mais a décidé d'aller au cœur des difficultés catholiques orthodoxes, dans le cœur même de l'ecclésiologie, c'est-à-dire de la notion que nous avons de nous-mêmes, c'est-à-dire de l'Église, du corps du Christ. Et la question qui est à l'ordre du jour de la Commission aujourd'hui, c'est celle de la conciliarité et de la primauté dans l'Église. Une question fondamentale, puisque l'Église est à la fois conciliarité et primauté. Donc c'est sur la nature de l'Église elle-même que porte aujourd'hui le travail de la Commission, et c'est dans ce domaine-là, de façon indéniable, que les plus grands différends existent entre nos deux églises, ceux qui ont été en grande partie responsables de la rupture de communion entre le siège de Rome et les sièges orientaux. Alors, et à la dernière réunion de la commission, de l'assemblée plénière de la commission, une difficulté a été soulignée par le représentant de notre église, du patriarcat de Moscou, l'évêque Hilarion Alfeyev. Je pense d'ailleurs qu'il a eu l'occasion d'en parler ici à la radio Notre-Dame, puisqu'il a été reçu lors de son dernier passage à Paris ici pour une interview en direct également. Monseigneur Hilarion a souligné une petite phrase dans le projet de document qui a été adopté à l'assemblée plénière de la commission. Et depuis, cette difficulté a été corrigée par ce comité de rédaction. Donc pour être clair, il s'agissait de préciser davantage la place du patriarcat œcuménique, du patriarche œcuménique dans le conseil des églises orthodoxes. Oui, et dans un sens plus large, en quelque sorte même, le critère d'orthodoxie dans l'église orientale, puisque la phrase qui était discutée était portée sur les conciles généraux du côté catholique et du côté orthodoxe après le schisme de 1054, et le premier projet du texte affirmait qu'après la rupture de 1054, l'Église catholique et l'Église orthodoxe continuaient à réunir des conciles généraux, chacune de son côté, l'Église catholique avec les représentants des églises locales en communion avec Rome, et en Orient, les églises locales en communion avec le patriarcat de Constantinople. Et c'est là que le représentant du patriarcat de Moscou a dit que la communion des églises locales orthodoxes avec le patriarcat de Constantinople n'a pas le même sens que la communion des églises locales avec le pape de Rome en Occident. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer le rôle du patriarche de Constantinople en Orient au sein de l'orthodoxie à celui dont jouit l'évêque de Rome au sein du monde occidental catholique. Et ensuite, le comité de rédaction a corrigé sur la proposition du représentant de notre Église. Cette phrase est finalement la prochaine assemblée plénière qui aura lieu en Italie à Ravenne devra discuter du nouveau projet qui est proposé à l'ensemble des églises orthodoxes et l'Église catholique. Mais par-delà cette insistance sur la distinction entre le rôle du pape et celui du patriarche de Constantinople, il y avait aussi la question d'organisation et de fonctionnement de la commission elle-même. Puisque la question sur le fait s'il faut laisser ou non cette phrase dans le projet de la déclaration commune a été posée au vote. Donc les deux présidents de la commission ont proposé que tous les délégués votent pour savoir s'il faut corriger ou non ce texte à la proposition de délégués de l'Église russe. Et bien c'est là aussi que l'évêque Hilarion a souligné que dans une commission théologique, surtout si elle se considère vraiment comme un organe ecclésial et collégial, on ne peut pas utiliser le vote comme mode de décision, puisque dans l'Église il faut l'unanimité, il faut le consensus. C'est d'ailleurs ce qui a été toujours, c'était le mode de décision au concile. On ne votait pas, mais on cherchait par tous les moyens à trouver une formule qui soit acceptable pour tous. Et le vote aussi, parfois, peut causer quelques, et parfois ne correspond pas tout à fait à la réalité des églises, puisque chaque église n'a qu'un seul délégué, même si elle compte seulement deux évêques en son sein et quelques dizaines de milliers de fidèles, ou même s'il s'agit ou s'il s'agit d'une église avec des centaines de d'évêques et des centaines de milliers de fidèles. Donc il y a ça ne correspond pas à la réalité de l'église elle-même. Voilà. Donc on comprend que en fin de compte les objections formulées par le représentant du patriarcat de Moscou, Monseigneur Hilarion Alfeyev, ont été résolues. Et donc on peut regarder avec espoir vers la prochaine réunion de la commission mixte à Ravenne en octobre prochain. Tout à fait. De toute façon, nous sommes profondément persuadés que ce travail que mène la commission l'est sous l'action de l'Esprit Saint. Donc, par définition et par principe, les délégués des églises ne peuvent que prendre en considération la voix de chacun, et d'autant plus d'une église comme celle de Russie, qui est une des plus importantes actuellement en Europe. Donc, il y a tous les espoirs que cette question difficile sera résolue. Et d'ailleurs, pour contribuer à la résolution de cette question, le Saint-Synode du Patriarcat de Moscou, lors de sa réunion au mois de mars, a déjà proposé à la Commission théologique synodale du Patriarcat de Moscou de rédiger un document officiel présentant la position de l'Église orthodoxe russe comme Église locale sur la question de la conciliarité et de la primauté, pour que l'Église russe puisse apporter en quelque sorte son soutien à son délégué à cette commission, et qu'il ait un document sur lequel il peut se fonder pour contribuer à l'avancement de la cause du dialogue théologique entre les deux Églises. Une auditrice, Marie, nous demande quel est le nom, si on peut citer des noms aussi des représentants de l'Église catholique dans cette commission. Alors, aujourd'hui, la commission... La commission mixte internationale, elle est présidée par un catholique et un orthodoxe. Aujourd'hui, du côté catholique, le président de la commission est le cardinal Casper, qui préside aussi le conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Du côté orthodoxe, il s'agit du métropolite Jean Zizulas, qui est un théologien tout à fait réputé et très connu dans le monde orthodoxe. Voilà. Et d'un autre côté, il y a aussi les représentants de toutes les églises locales orthodoxes. Alors là, je ne peux pas dire leur nom de tous, mais certaines églises, comme par exemple celle de Tchéquie, de Slovaquie, est représentée carrément par son primat, ou en tout cas jusqu'à la dernière assemblée, c'était l'archevêque d'Athènes lui-même. L'archevêque de Prague lui-même, excusez-moi. Voilà. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, je voulais faire savoir aux auditeurs l'apparition de quelques livres intéressants dans la collection Grand Spirituel Orthodoxe du XXe siècle, dirigée par Jean-Claude Larcher. À l'âge d'homme, vient de paraître un livre des conseils spirituels du Père Porphyrios de Grèce, un père spirituel du XXe siècle très très connu dans tout le monde orthodoxe, et aussi un deuxième livre de Monseigneur Nicolas Velimirovitch, canonisé sous le nom Saint Nicolas de Jica, évêque serbe du XXe siècle, livre intitulé « La foi et la vie selon l'Évangile ». Donc l'âge d'homme, collection Grand Spirituel Orthodoxe du XXe siècle. Et je veux aussi vous faire connaître le titre d'un livre écrit par des catholiques cette fois-ci, « Les exorcistes du Vatican, chasseurs des diables au XXIe siècle », l'auteur américain Tracy Wilkinson, mais il y a un complément d'enquête réalisé par deux Français, Anne Mascret et Yvon Bertorello, un livre paru aux éditions Litté. Voilà. Je vous remercie à tous pour votre participation. Père Alexandre Signakov, le frère dominicain Saulus Rumschas. Je rappelle cette initiative du Centre Instina de fonder le Concile Saint-Basile, le Collège Saint-Basile, pour recevoir des étudiants orthodoxes qui font des études à Paris, dont le directeur est le père Alexandre Signakov. Merci encore une fois à tous, à vous, chers auditeurs, pour votre attention. Je vous invite à écouter nos émissions précédentes sur la rubrique podcast audio du site internet orthodoxie.com, où vous allez retrouver aussi l'émission d'aujourd'hui. Mes remerciements aussi à Roman, qui nous a aidé à la réalisation technique de cette émission, et à Véronica Colosimo, qui a été au standard. Le réalisateur de cette émission, Bogdan Florin Dlaico, vous souhaite une semaine emplie de joie spirituelle et vous donne rendez-vous samedi prochain à 13h sur Radio Anguin 98 FM et dimanche prochain à 17h sur Radio Notre-Dame 100.7 FM. N'hésitez pas à nous écrire vos impressions à l'adresse de Radio Notre-Dame ou à l'adresse électronique ortradio@free.fr. Au revoir et bonne semaine.